الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البياقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. حديث numéro 33 selon le fils Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si l'on accordait aux gens toutes leurs réclamations, il y aurait des gens qui réclameraient les biens et la vie d'autrui. Cependant, au plaignant de fournir la preuve et à l'accusé de nier, à l'accusé qui nie, de témoigner sous la foi du savant, c'est-à-dire de jurer. Hadith considéré comme Hassan, rapporté par Al-Bayhaqi et d'autres. Dans les deux Sahih, Al-Bukhari et Muslim, il n'est rapporté que partiellement. Ithan khatam al-imam al-Nawawi rahimahullah qawlahu an hadha al-hadith wa ba'duhu fi al-sahihayn. الذي في الصحيحين عند البخاري ومسلم كذلك عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه فيشبه هذا الحديث ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن اليمين على المدعى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن البينة. فالبينة جاءت في هذا الحديث عند البيهقي. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. هذا الحديث هو أصل عظيم في باب القضاء وفي باب الخصومات وفي باب المحاكمات. فالقضاة وكذلك الحكام يستخدمون ويرجعون إلى هذا الحديث عند حدوث خصومات بين المسلمين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، لو كان الناس تستجاب دعاويهم بمجرد الدعوة لكان رجال بسبب ضعف إيمانهم وعدم تقواهم لله جل وعلا لقام الناس بدعوة أموال قوم ودمائهم، يعني من الناس من لا يخاف الله سبحانه وتعالى، فيكون لا يحب شخصا فيريد أن ينتقم منه، يذهب إلى القاضي فيقول هذا أخذ لي مالي بدون بينة، والحاكم يأخذ مال هذا ويعطي للذي ادعاه. وكذلك لو كان الناس يعطون بدعواهم لجاء رجل إلى القاضي فقال إن فلانا قتل أبي مثلا، مات أبوه من غير قتل، فذهب عند القاضي حتى ينتقم من شخص، مثلا شخص له خصومة مع جاره، شخص يسكن مع أبي وأمه وإخوانه وأخواته، وهذه الأسرة لا تحب جيرانهم مثلا، فيوما من الأيام يموت الأب، فهذا الولد يذهب عند القاضي ويقول إن جاري هو الذي قتل أبي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكن البينة على المدعي، ما دمت ادعيت شيئا فلا بد أن تأتي بالبينة، وإلا يعني رفضت دعواك. يقول ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث يدلنا على كبير حرص الإسلام على حفظ الحقوق، حفظ الأموال وحفظ الدماء. فكما تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب عدة خطب، خطب يوم التروية، وخطب يوم عرفة، وخطب يوم النحر، وخطب في أيام التشريق. فيوم النحر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر في بلدكم هذا، يعني في مكة، في شهركم هذا، يعني في شهر ذي الحجة. فدماء المسلمين وكذلك أموالهم وكذلك أعراضهم حرمتها عظيمة، حرمتها عظيمة، ولهذا جاءت هذه الشريعة بحفظها بكل ما أتيح من وسائل. فيقول لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة كل ما يبين الحق، كل ما يبين الحق يسمى بينة، كما قال الله سبحانه وتعالى لما جاء هود إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام قالوا له ما جئتنا ببينة، ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. فأبوا أن يتبعوا وأن زعموا أنه لم يأتهم ببينة تتبع. فالمدعي هو الذي يدعي شيئا يعني تخالف الظاهر أو تخالف الأصل. لو جئت أنا مثلا فقلت لك هذا لي مثلا، أنا مدعي ولا مدعى عليه؟ مدعي، لأن الأصل أنه ليس لي، أن الشخص جاء فوضعه، فلا بد أن أبين وأن نتي بالبينة لإثبات ملكية هذا الجهاز، مفهوم؟ فالمدعي هو الذي يدعو أمرا خفيا يخالف الأصل، والمدعى عليه هو الذي يعني ثبتت الدعوة ضده. إذن قلنا البينة كل ما يبين الحق، إما أن تأتي بقرائن بأدلة، أو تأتي بشهود، أو تأتي مثلا بظاهر الحال. طيب لو أن الشخص الآن له جوال في يده، مفهوم؟ فقلت إن هذا أخذ لي جوالي، فلما فتشنا وجدنا له جوال في جيبه. طيب الأصل أن الشخص له جوال واحد وأكثر، ها؟ واحد، لا غالب الناس أنه واحد، كل شخص له واحد ولا لا؟ هذا هو الغالب. فبالتالي هذا من الأدلة التي تبين أن هذا الجهاز الذي لدي. أعطيكم مثال آخر، مثلا شخص له طاقية مثلا فوق رأسه وفي يده طاقية أخرى، فقلت إن هذا أخذ طاقيتي. طيب الأصل عنده طاقية واحدة ولا أكثر؟ واحدة. هذه من الأدلة. إما الشهود أو أدلة أو ظاهر الحال. فكل ما يبين الحق يسمى بالبينة. وبالنسبة للشهادة لابد لها من بعض الشروط. إذا طلب من شخص أن يشهد لابد أن يكون بالغا وكذلك أن يكون عاقلا، فشهادة الصبي لا تقبل، وكذلك شهادة المجنون لا تقبل، وكذلك الكلام لابد أن يتكلم، ولابد أن يكون مسلما عادلا. والشهادة تختلف من حالة إلى أخرى، فأحيانا يطلب شهداء بعدد كبير، مثلا في الزنا، لمن أراد أن يثبت زنا شخص فلا بد أن يأتي بأربعة شهداء، وكذلك في الأموال، ومذكور في سورة البقرة: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وفي الطلاق وكذلك في النكاح وفي الرجعة وبقية الحدود أن يطلبوا شاهدان عدلان. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il nous dit: si l'on accordait aux gens toutes leurs réclamations, il y aurait des gens qui réclameraient les biens et la vie d'autrui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il veut nous montrer donc comment les gens doivent juger lorsque deux personnes sont en querelle, que l'un réclame quelque chose et que l'autre nie cette réclamation. Le prophète il nous dit que si l'on donnait aux gens tout ce qu'ils réclament, il y aurait certaines personnes, de leur manque de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils réclameraient les biens des gens. Ils iraient voir ils se rendraient par exemple au tribunal chez le juge et ils demanderaient les biens des gens en disant: un tel il m'a pris mes biens, ce qu'il possède est à moi. Et cela suffirait pour qu'on prenne le bien du second et qu'on le donne à celui qui est réclamé. Ou bien d'autres personnes réclameraient la vie des gens. Il suffirait qu'une personne ait une querelle avec un autre ou qu'il y ait une haine entre les deux. Il l'accuserait de meurtre, par exemple. Tout ça pour qu'il soit exécuté. Donc il dit: si on accordait aux gens toutes leurs réclamations, il y aurait des gens qui réclameraient les biens et la vie d'autrui. Le prophète dit ensuite: cependant, au plaignant de fournir la preuve et à l'accusé qui nie de témoigner sous la foi du serment, c'est-à-dire donc de jurer. Donc celui qui, le plaignant, c'est-à-dire le muddai, celui qui réclame, il doit fournir des preuves. Lorsqu'il réclame quelque chose, il doit fournir des preuves. Quelle que soit cette preuve. Donc la preuve, tout ce qui vient montrer une vérité, ça s'appelle une preuve. Que tu ramènes des témoins, que tu ramènes donc des indices, que tu ramènes des situations. Et les preuves et les indices évoluent au fur et à mesure du temps. Par exemple, il y a une époque, il n'y avait pas tous les indices qu'on peut avoir maintenant. Par exemple, maintenant on peut ramener une preuve vidéo, une preuve audio. Avant, il n'y avait pas ces choses-là. Donc tout ce qui montre et donc rend clair une vérité, ça s'appelle donc al-bayyina, donc une preuve. Donc dans les cas, il faut bien savoir qui est al-muddai et qui est al-mudda'al, qui est le plaignant et qui est celui qui nie. Le plaignant, c'est celui qui réclame une chose qui est en contradiction avec l'aspect apparent des choses. Par exemple, moi je ne peux pas venir et dire que tel vêtement que vous portez sur vous est à moi, parce que la base de toute chose, c'est que la personne, ses vêtements sont à lui, les vêtements qu'il porte sont à lui. Donc si moi demain je viens, je dis telle veste ou telle chaussure que porte un tel sont à moi, c'est à moi de rapporter des preuves, parce que la base de ces choses-là, c'est qu'ils appartiennent à celui qui les porte. Pareil pour toute chose, pour un portable, pour un stylo, toute chose donc appartient à celui qui les porte. Et également toute chose appartient à l'endroit où il se trouve. Même si demain quelqu'un lui dit ce bureau il est à moi, là il est à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'il se trouve à la mosquée. C'est à toi de ramener des preuves pour dire qu'il est à toi. Et le mudda'alé donc c'est le second à qui on réclame cette chose. Donc comme on a dit, soit des indices, soit des témoins, soit donc bref toute chose qui apporte une vérité. En ce qui concerne le témoignage, il y a certaines conditions qui sont demandées aux témoins. Donc il y a le fait d'être adulte, également le fait d'être sensé, aqil, également le kalam, car il y aura des choses à dire, soit le kalam, soit avec donc la parole, soit ou bien avec des signes clairs. L'islam également, qu'il soit musulman, et l'adala, c'est-à-dire que ce soit une personne comment dire l'adala, intègre, une personne intègre. Et donc, en ce qui concerne le témoignage, ça diffère d'un cas à un autre. En général, les témoignages, c'est deux personnes. En ce qui concerne celui qui veut ramener un témoignage, qui ramène une personne, deux personnes, par exemple pour le mariage, également pour le divorce et toutes ces choses-là, il faut deux. On ne parle plus du même sujet là, on parle juste du témoignage de manière générale. Parce que la personne, elle veut témoigner pour appuyer une chose, pour le mariage, pour le divorce, également pour lorsque la personne elle reprend sa femme après un divorce, ça c'est deux témoins. En ce qui concerne les opérations monétaires, donc les prêts et toutes ces choses-là, c'est deux témoins, soit deux hommes, soit un homme et deux femmes. Et en ce qui concerne zina, la fornication, c'est quatre hommes, comme cela a été cité dans le Coran. Donc, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc nous dit que c'est au plaignant de fournir la preuve et à l'accusé qui nie de témoigner sous la loi du serment? Car dans l'islam, comme vous le savez, les biens des gens et leur vie sont sacrés. Le bien du musulman et également sa vie sont des choses sacrées. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour protéger cet aspect sacré, c'est pour ça qu'il a donc demandé aux plaignants de fournir les preuves. Car comme on a dit, sinon il y aurait des personnes qui demanderaient la vie des gens et leurs biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'Aïd, pendant le pèlerinage d'adieu, il a dit « Inna dima'akum », c'est-à-dire vos vies, « wa amwalakum », vos richesses, « wa a'radakum », votre honneur, sont sacrés. Quel est l'aspect sacré de ces choses-là? Il a dit « kahormati yawmikum hada », comme l'aspect sacré de ce jour-là, le jour de l'Aïd. « Fi baladikum hada », dans cette ville, c'est-à-dire la Mecque. « Fi shahrikum hada », dans « shahr dhil-hijjah », qui est un mois parmi les mois sacrés. Donc ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la grande valeur que possèdent donc les richesses du musulman et également sa vie. Donc il est interdit donc aux musulmans de prendre les biens d'autrui, surtout s'il est musulman, et également de ôter la vie d'un musulman. Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma un jour a regardé la Kaaba et a dit ma ashaddu hurmatak, ma ashadda hurmatak, walakin hurmatu al-muslim a'zamu min hurmatik. Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Omar, excusez-moi, un jour a regardé la Kaaba et a dit ma a'zama hurmatak, c'est-à-dire tu es très sacré. La Kaaba, c'est une chose que tout musulman respecte. Mais il dit ensuite que le musulman, il est encore plus sacré que la Kaaba. Le musulman, sa vie, ses biens, tout cela est encore plus sacré que la Kaaba. إذن يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. اليمين يعني يقسم بالله سبحانه وتعالى أن هذا الشيء له مثلا لو طلب شخص اسمه زيد من عمر فقال إن عمرا أخذ مالي وليس لدى زيد بينة عندئذ يقسم عمر ويقول إن زيدا قد ظلمني إن هذا المال لي وانتهت القضية. لو كانت عند زيد بينة قوية تبين أن هذا المال له، له شهود مثلا يشهدون أن عمرا أخذ مال زيد، فالقاضي يحكم لي يحكم لي زيد لأن له بينة. لو أن زيدا ليست له بينة ولكن عمر أبى أن يقسم، لأن شخص إن الأمر الحلف عظيم أبى أن يقسم امتنع، طيب القاضي يحكم لمن؟ لزيد، يحكم لزيد. ولك على المسلم أن يخاف الله سبحانه وتعالى في أمر الإقسام على الله سبحانه وتعالى والحلف، لأن القاضي لا يجعل الحق باطلا ولا الباطل حقا. يمكن الآن زيد طلب من عمر مالا، عمر زيد ليست له بينة، عمر أقسم على الله سبحانه وتعالى أن هذا المال له، طيب هل يجعل هذا، فالقاضي يحكم لي لعمر، طيب هل قضاء القاضي يجعل هذا المال بيقين لعمر؟ لا، قد يكون هذا المال لزيد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. والحديث في الصحيحين. فالشخص قد يقولني من السهل أقسم بالله سبحانه وتعالى وأخذ هذا المال، ولكن قضاء القاضي لا يرد الحق باطلا ولا الباطل حقا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فعلى الإنسان أن يخاف الله سبحانه وتعالى. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit cependant au plaignant de fournir la preuve et à l'accusé qui nie de témoigner sous la foi du serment. Donc si on a une personne qui s'appelle Zayd, une deuxième qui s'appelle Amar, Zayd déclare et réclame, il déclare que Amar lui a volé de l'argent par exemple. Zayd doit amener des preuves. S'il amène des preuves prouvant cela, Amar doit lui rendre son argent. Si Zayd n'a pas de preuves, Amar, à ce moment-là, il jure, comme ici. Au plaignant de fournir la preuve et à l'accusé qui nie de témoigner sous la foi du serment. S'il jure, Amar repart avec son argent. Si Zayd n'a pas de preuves et que Amar refuse de jurer, il refuse de jurer. Je ne jure pas pour ça, moi. Le juge, il donne l'argent à Zayd. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le jugement, ce jugement-là, c'est-à-dire qui prend l'argent à la fin, ça ne veut pas forcément dire la vérité. Ce n'est pas forcément une vérité. Le juge, il juge selon ce qu'il voit, selon les preuves. Parfois, les gens, ils amènent des fausses preuves, des faux témoignages. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il menace celui qui prendrait le bien d'autrui par un faux serment. Il nous dit, celui qui prend le droit d'un musulman en jurant, Allah subhanahu wa ta'ala, faqad awjab Allahu lahu an-nar. Allah le fera forcément rentrer en enfer, wa harrama alayhi al-jannah, et lui interdira l'enfer. Les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même si c'est une chose infime, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, même si c'est un bâton de harak, avec lequel, comme un siwak, même si tu prends un siwak à ton frère en jurant, tu rentres dans ce hadith, c'est-à-dire que donc Allah subhanahu wa ta'ala donc fera rentrer cette personne en enfer et lui interdira le paradis. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul li ashabihi innakum tahtasimuna ilayya. Sahaba kanu yahtasimuna ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa la'alla ba'dakum alhanu bi hujjatihi min ba'd. Ana min an-nas man utiya lisanan fasihan. Lisanan مجادلا يستطيع أن يرد الحق باطلا والباطل حقا بلسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة من الناس من يسحر المستمع من يسحر المستمع. يقول لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على نحو ما أسمع يعني يقارن بين الأدلة والقرائن والشهداء والشهداء فيحكم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. Le prophète صلى الله عليه وسلم également il nous dit pour nous montrer que le juge il ne fait que juger que par ce qu'il voit. Il ne fait que juger que par ce qu'il voit et que, comme on l'a dit, ça ne rend pas une vérité fausse ou bien le faux vrai. Le prophète, il dit, vous les compagnons, vous vous disputez et vous revenez à moi afin que je juge dans vos disputes. Mais peut-être que certains d'entre vous montrent mieux leurs arguments que d'autres. Parfois, il y a des personnes qui, malheureusement, même s'ils possèdent la vérité, ils n'arrivent pas à la montrer. Ils ont du mal à s'exprimer et à montrer ce qu'ils veulent dire. Et d'autres, au contraire, qui sont très habiles avec leur langue. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que peut-être certains d'entre vous sont très habiles pour montrer des arguments. Donc moi, je juge en fonction de ce que j'entends. Donc celui à qui je donne le droit de son frère, en vérité, je lui donne un morceau de l'enfer. C'est comme un morceau de l'enfer que je lui donne, donc il ne faut pas qu'il l'apprenne. إذن يقول لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن يقول حديث حسن رواه البياقي وغيره وهكذا بعضه في الصحيحين. هذه القاعدة هذا الحديث مجمع على العمل به عند العلماء. فالعلماء على أن شتى مذاهبهم متفقون على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلى في بعض المسائل مثلا فيما يسمى بالقسامة. عندنا مسألة في الفقه تسمى بالقسامة. ما هي القسامة؟ تكون بين قبيلتين عداوة. تكون بين قبيلتين عداوة. فيقتل رجل من القبيلة الأولى. ويتهمون رجلا من القبيلة الثانية. قد يتهمونه وقد يكونون على يقين من القاتل. طيب وليس معهم بينة. ليس معهم بينة. فماذا يفعلون؟ يقسمون 50 مرة. يقسمون 50 مرة أن فلانا هو القاتل. أن فلانا هو القاتل ويقتل على يعني أقسامهم على يعني أقسامهم. وهذه من الأمور التي تخالف هذا الحديث وهو استثناء في قضية يعني التبيين من المدعي. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم donc il nous donne une règle ici, il nous dit C'est au plaignant de fournir la preuve et à l'accusé qui nie de témoigner sous la foi du serment. Donc ça, c'est une règle que tous les savants de l'islam appliquent. Ils sont tous d'accord pour dire que c'est au plaignant, c'est la personne qui réclame, de fournir une preuve. Et c'est à l'accusé qui nie de témoigner sous la foi du serment, c'est-à-dire donc de jurer. Et donc il y a certains cas, comme on a dit, qui sortent de cette règle, mais la base sur laquelle il faut se référer, c'est cela. Donc c'est au plaignant de fournir la preuve et à l'accusé qui nie de témoigner sous la foi du serment. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. الحديث numéro 34 أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. Il dit: j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire: celui qui d'entre vous aperçoit une chose répréhensible, qu'il la redresse ou bien qu'il la corrige de la main, s'il ne peut de sa langue, s'il ne peut de son cœur, cette dernière attitude constituant le degré le plus faible de la foi. Hadith rapporté par Muslim. Abu Sa'id al-Khudri marra ma'ana al-usbu' al-madi. Masmuhu? لكن ما اسمه فأبو سعيد كنيته نريد اسمه اسمه سعد بن مالك بن سنان سعد بن مالك بن سنان سعد بن مالك بن سعد بن مالك بن سنان وهو من المكثرين كما ذكرنا ذلك الأسبوع الماضي. يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. لهذا الحديث سباب رواية فأبو سعيد حدث بهذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مروان بن الحكم أحد أمراء بني أمية فجاء فقدم خطبة العيد على الصلاة طيب يوم العيد بماذا نبدأ؟ بالصلاة أم بالخطبة؟ بالصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة. مروان بن الحكم رأى أن الناس يوم العيد كانوا في زمانه يصلون صلاة العيد ثم ينصرفون ولا يستمعون إلى الخطبة. فاجتهد فقال لماذا لا نجعل الخطبة قبل الصلاة حتى يستمع الناس، فالناس يعني لا بد أن يصلي. فقام إليه رجل فقال له الصلاة قبل الخطبة. فقال له مروان قد ترك ما هنالك، يعني هذا الأمر قد ترك، يعني الآن نخطب قبل الصلاة. فقال أبو سعيد الخدري أما هذا، يعني هذا الرجل، فقد أدى ما عليه، هذا الرجل الذي أنكر فقد أدى ما عليه. ثم روى هذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إذن يقول من رأى منكم منكرا، يعني من شاهد، فلا بد من المشاهدة البصرية. ولهذا يقول من رأى منكم منكرا، وهو الأمر المحرم شرعا يسمى بالمنكر فليغيره بيده فليغيره. هذه اللام ماذا تسمى؟ فليغيره لام الأمر تسمى بلام الأمر. فليغيره تسمى بلام الأمر بيده. إذن إن كان إن كانت هذه اللام تدل على الأمر إذن يصبح الأمر بالمعروف أو تغيير المنكر واجبا، لأن الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب. الأصل في الأمر أنه للوجوب. إن قلت لك قم كل اشرب صلي فإنه يدل على الوجوب، إلا إذا جاءت قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. ولهذا يقول بعض العلماء أن تغيير المنكر واجب، مستدلين بهذا الحديث. ومن العلماء من قال أنه واجب ولكن ليس فرض عين، إنما هو فرض كفاية، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقال تعالى فلتكن منكم، ولم يقل فلتكن كلكم، فتقول منكم يعني للتبعيد، يعني بعض الناس. وهذا رأي معظم العلماء، وهو الحق إن شاء الله تبارك وتعالى، أن الأمر بالمعروف فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. هذا هو الأصل. ولقد قد يتعين على بعض الناس، مثل من؟ قد يتعين على بعض الناس، يعني في حق بعض الناس قد يكون تغيير المنكر واجبا. من؟ الحكام، أو مثلا إذا وكل شخص من قبل الحاكم قال أنت، مثل الشرطة مثلا. الآن الحاكم يقول للشرطة إذا رأيتم من يفعل كذا وكذا وكذا فغيروا، أو يعني أمسكوا به، هذا واجب عليه أن يغير المنكر. وكذلك مثلا الأب في بيته فرأى ولده يرتكب منكرا، رأى ابنته ارتكبت منكرا، أو زوجته، فلابد أن يغير هذا المنكر، فلابد أن يغير هذا المنكر بيده إن استطاع. فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا يدل على أن تغيير المنكر من الإيمان، تغيير المنكر من الإيمان. فالذي يغير المنكر بيده أفضل من الذي يغير المنكر بلسانه، وأفضل من الذي يغير المنكر بقلبه. فكلما غير الإنسان المنكر بيده كلما زاد إيمانه، يعني حسب تغييره. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici il nous dit: celui qui d'entre vous aperçoit une chose répréhensible, qu'il la redresse de la main, s'il ne peut de sa langue, s'il ne peut de son cœur, cette dernière attitude constituant le degré le plus faible de la foi. Ce hadith, il a une cause. Qu'est-ce qu'on veut dire par une cause? C'est-à-dire que Abu Saïd al-Khudri, il a cité ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a entendu de lui pour un événement donc qu'il a vu. Le jour de l'Aïd, donc à l'époque de Marwan ibn al-Hakam, donc qui était un dirigeant parmi les dirigeants de Bani Omeya, il a commencé par la khutbah avant la prière, le jour de l'Aïd. Il a commencé par la khutbah avant la prière, le jour de l'Aïd, comme le vendredi. Alors que normalement, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire la prière avant la khutbah. Donc il s'était aperçu qu'en fait à son époque, le jour de l'Aïd, les gens ils faisaient la prière, ensuite ils rentraient chez eux. un par un, il se levait, il n'écoutait pas la khutbah. Donc, il s'est dit, on va mettre la khutbah avant, comme ça les gens vont rester pour écouter ce que Al-Khatib a à leur dire. Donc à l'époque, c'était lui-même qui faisait la khutbah. À l'époque, dans les premiers siècles de l'islam, le chef, le dirigeant, c'était lui qui faisait le Jumu'ah, la khutbah de Jumu'ah également, la khutbah de l'Aïd, et même il dirigeait la prière. Alors un homme s'est levé et lui a dit que la prière est avant la khutbah. Marwan ibn al-Hakam lui a alors dit que c'est cela est de l'histoire ancienne. C'est-à-dire, on va maintenant faire la khutbah avant la prière. Abu Sa'id al-Khudri s'est alors levé et lui a dit que cet homme donc, qui vient de te dire cela, il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire en te blâmant, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui d'entre vous aperçoit une chose répréhensible, qu'il la redresse de la main s'il ne peut de sa langue, s'il ne peut de son cœur, cette dernière attitude constituant le degré le plus faible de la foi. Donc il nous dit, celui qui d'entre vous aperçoit une chose répréhensible. Donc également, il faut que ce soit une chose que l'on voit. Il faut que ce soit une chose que l'on voit. C'est-à-dire le musulman, il ne lui est pas demandé d'aller chercher les gens dans leur maison pour savoir est-ce qu'ils font des choses blâmables ou pas. Ça c'est ce qu'on appelle de tajassus, de l'espionnage. Donc si la personne voit une chose devant elle, à ce moment-là, elle la réprime. On ne lui demande pas d'aller chercher les gens qui se cachent pour les réprimander. Donc celui d'entre vous qui aperçoit une chose répréhensible, qu'il la redresse de la main. Donc vous remarquerez que ici, c'est le verbe est à la forme impérative, c'est-à-dire qu'il la redresse. Il doit la redresser de sa main, la corriger de sa main s'il ne peut de sa langue. Donc certains savants ont dit que le fait de réprimander donc le blâmable était une obligation. Donc par ce hadith. Mais la plupart des savants disent que c'est une obligation, mais pas une obligation pour tout le monde. C'est-à-dire si certains font cela, cela suffit pour que les autres puissent abandonner cette chose-là. Le Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Il doit y avoir parmi vous une communauté qui appelle au bien et ordonne le convenable et interdise le blâmable, et ceux-là seront les gens qui obtiendront la victoire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit parmi vous, ce qui prouve que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui doit interdire le blâmable ou bien le corriger. Également, mais ça peut également devenir obligatoire pour certaines personnes. Si par exemple, le dirigeant délègue cela à certaines personnes. Il dit, lorsque vous voyez une chose répréhensible, je vous ordonne de la corriger. Comme par exemple la police. La police, donc leur rôle, donc, c'est de réprimander, de corriger. Donc les choses répréhensibles. Donc dans leur cas, du fait que c'est le dirigeant qui leur a ordonné cela, cela devient obligatoire. Comme par exemple également en Arabie Saoudite, il y a une chose qu'on appelle Hay'at Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, une espèce d'organisation de gens qui sont chargés donc de corriger donc les choses répréhensibles qui apparaissent. C'est autre chose que la police. Il y a la police et il y a ce groupe de gens qui sont là pour corriger les erreurs religieuses des gens. Corriger les erreurs religieuses des gens. Donc si ces gens sont délégués par donc le dirigeant du pays, cela devient alors obligatoire pour eux. Également pour le père de famille. Lorsqu'il voit ses enfants ou bien sa femme faire une chose blâmable, c'est obligatoire pour lui de corriger cela et redresser cela de sa main. Donc le père de famille, il est comme le dirigeant de son pays. Chez lui, le père de famille, il est comme le dirigeant de son pays. C'est pour ça qu'il sera, Yawm al-Qiyamah, sera questionné sur son foyer. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. Donc il nous dit ensuite, à la fin de ce hadith, que cette dernière attitude constituant le degré le plus faible de la foi, donc le fait de réprimer par le cœur. Ce qui nous prouve que le fait de corriger le blâmable est une chose qui fait augmenter la foi. Du fait que le fait que de le réprimander par le cœur, c'est le plus petit degré de la foi, ce qui prouve que le fait de le corriger par la main ou bien le corriger par la langue est un degré supérieur de la foi. Donc ces choses-là sont des choses qui font augmenter la foi du musulman. Donc tout le monde sait que la foi augmente et diminue. Elle augmente par les adorations, par l'obéissance, et elle diminue par la désobéissance. Donc cela est une des meilleures obéissances pour faire augmenter la foi du musulman. Binisbati li inkar munkar yakun bihasabi al-qudra. Bihasabi al-qudra. فالإنكار باليد حسب القدرة قد لا يستطيع كل أحد أن يغير المنكر بيده وكذلك الإنكار باللسان يكون حسب القدرة ولكن الإنكار بالقلب لا بد منه الإنكار بالقلب لا بد منه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك أضعف الإيمان ليس بعد ذلك إيمان فمن لم ينكر بقلبه أن المنكر والمعاصي لا يكون مؤمنا فلا بد من هذا الإنكار وإن كنت ساكتا وإن كنت لا تتحرك لا بد أن يتحرك وأن يتكلم قلبك فهذا أضعف الإيمان فلا يشترط أن القدرة والاستطاعة في تغيير المنكر بالقلب وإنكاره بالقلب لنا لا ضرر في فعله هل أنت تتضرر إن أنكرت المنكر بقلبك لا تتضرر ولا أحد يراك بخلاف التغيير باليد قد تتضرر قد يضربك يعني المنكر عليه وقد يقتلك وكذلك إن أنكرت باللسان أما الإنكار بالقلب لا تتضرر بفعله فهو واجب ولا بد منه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de ce hadith, il nous dit que s'il ne peut de son cœur cette dernière attitude constituant le degré le plus faible de la foi. Donc vous remarquerez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de la correction par la main ou la correction par la langue, il a dit, il a lié cela à la possibilité, c'est-à-dire à la possibilité de la personne. C'est-à-dire si elle peut, elle le fait par sa main. Si elle ne peut pas, par sa langue, et si elle ne peut pas, par son cœur. Donc, en fonction de la capacité de la personne, en fonction de ses possibilités, elle passe d'un niveau à l'autre. Mais le dernier niveau, il doit être forcément présent. C'est-à-dire, tu ne peux pas voir une chose blâmable, une chose interdite par l'islam, sans que ton cœur ne le réprimande. Qui nous dit وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ cela est le degré le plus faible de la foi, c'est-à-dire après cela il n'y a plus de foi. Si la personne ne possède pas dans son cœur cela, elle n'a plus de foi. Il faut au moins qu'elle réprimande cela par son cœur, car donc la personne cela ne l'atteint pas de réprimander le blâmable avec son cœur, cela ne lui pose aucun mal, cela n'amène aucun préjudice. Contrairement au fait de réprimander le blâmable par la main ou bien par la langue, il se peut que un préjudice arrive. Il se peut qu'un préjudice arrive. Si demain, moi, on vient en groupe de musulmans, on va à une personne par exemple qui vend de l'alcool, on lui casse toutes ses bouteilles. Ça arrive. Peut-être qu'on va aller en prison. C'est vrai ou pas ? Peut-être même qu'on va se battre avec... Bref, il y a des préjudices. Mais en tout cas, le fait de réprimander cela par le cœur, il n'y a aucun préjudice. Personne ne te voit lorsque tu réprimandes par le cœur, contrairement donc aux deux premiers degrés. وَعَدَمُ الْإِنْكَارِ بِالْقَلْبِ يَجْعَلُ هَذَا الشَّخْصَ كَأَنَّهُ قَدْ ارْتَكَبَ ذَلِكَ الذَّنْبِ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها كمن شهدها. الحديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que c'est très très important de réprimander cela, ne serait-ce que par le cœur. Il nous dit, lorsque un péché est commis sur la terre, les gens qui le voient et l'aperçoivent et le détestent donc dans leur intérieur, ils sont comme si ils n'avaient pas été là. Kaman raba anha. Et celui qui n'est pas là, mais malgré cela, il accepte et agrée ses péchés, il est comme celui donc qui a assisté à cela et n'a pas réprimandé cela. Qad yaqul al-ba'd ana ahtammu bi nafsi. Ana ahtammu bi nafsi. Alladhi yurid an ya'si Allah subhanahu wa ta'ala hadha sha'n wa la taziru waziratun wizra ukhra. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالإنسان أن يفهم هذه النصوص. ليس معنى هذا أن الشخص أن يهتم بخاصة نفسه ولا ينصح ولا يأمر بالمعروف. صحيح أن لا تزر وازرة وزر أخرى بمعنى أن لا يعاقبك الله سبحانه وتعالى بما يرتكب غيرك ولكن لا بد من المناصحة بين المسلمين ولا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولولا ذلك لما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل. الرسل جاءوا إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيأتي الرسول إلى قومه ويقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. بل ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لعنة الله سبحانه وتعالى عياذا بالله. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. هذا هو ذنبهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وما كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. الإنسان إذن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأقل درجة الإيمان أن ينكر المنكر بيده. Donc je disais, certaines personnes pensent et disent, moi je ne conseille personne, je ne réprimande personne, celui qui veut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui obéisse, celui qui veut lui désobéir qu'il lui désobéisse. Et ils ramènent cela, ils ramènent des preuves même. Pour appuyer cela, ils disent, la taziru waziratun wizra ukhra, c'est-à-dire personne ne portera le fardeau d'un autre yawm al-qiyama. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu alaykum anfusakum. C'est-à-dire, ô les croyants, occupez-vous de vous-même. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. C'est-à-dire, ne vous atteindra pas celui qui s'égare lorsque vous vous êtes guidé. Donc ne vous fera aucun mal celui qui s'égare si vous vous êtes guidé. Ces versets-là, ces deux versets-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire que Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, ne châtiera pas une personne pour les péchés d'un autre. Il ne châtiera pas une personne pour les péchés d'un autre. Mais cela n'empêche pas que les gens doivent s'entraider, se conseiller mutuellement, donc pour avancer et pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a d'ailleurs envoyé les prophètes. Allah il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَيَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un prophète qui leur a ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner donc du démon. Bref, il ordonnait le convenable et interdisait le blâmable. Donc il faut que les musulmans donc, s'entraident. Peut-être que certains musulmans commettent des choses interdites sans le savoir. Donc le musulman qui sait, son rôle est de leur enseigner donc les choses interdites. Bref, l'islam, donc, c'est une entraide. Les gens qui savent enseignent aux gens qui ne savent pas, afin que donc tous les musulmans essayent le plus possible donc d'être obéissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هناك زمانا سيأتي يعني بعد الصحابة قد هو زماننا الله تعالى أعلم أن الإنسان غير ملزم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم يعني اختلطت وفسدت وخفت أماناتهم يعني لم تبقى الأمانة وكانوا هكذا يعني وشبك بين أصابعه يعني الناس دائما في خصومات يقول عبد الله بن عمر بن العاص فقمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلزم بيتك واملك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة رواه أبو داود والترمذي ولهذا الإنسان يقول عبد الله بن عمر أن الإنسان إذا غلب على ظنه أن رجلا إن نصحته لا يقبل من الناس من تعرف إن نصحته يعني بعينه لا يقبل نصيحتك ففي هذا الحال لا يجب عليك أن تنصحه قال تعالى وذكر فذكر إن نفعت الذكرى وذكر بالقرآن من يخاف وعيد فإن غلب على ظنك أن شخصا إن نصحته يعني لا يستجيب يعني من الناس يعني أنواع من الناس من يغلب على ظنك أن إن نصحته يستجيب لك ففي هذه الحال عليك أن تبادر وتجتهد في مناصحته من الناس من لا تدري لعله يستجيب ولعله لا يستجيب فهذا كذلك عليك أن تجتهد في مناصحته ومن الناس من يعني يغلب على ظنك أنه لا يقبل منك ولهذا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة يعني نصح قومه يعني مرارا وتكرارا فإذا مثلا في قضية أبي لهب لما أنزل الله سبحانه وتعالى أنه يعني سيصلى نارا ذات لهب ترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني مناصحته لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم عليه أنه من أهل النار مفهوم؟ فإذا غلب على ظنك أن هذا الشخص يعني لا ينفعه الذكرى لا يجب عليك أن تنصحه Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam également il nous dit qu'il va arriver une période où à ce moment-là la personne pourra délaisser cela. Car donc ce sera une période où vraiment tous les gens seront corrompus et plus personne ne pensera donc à être guidé. Abdullah ibn Amr ibn al-As nous dit « Nous étions autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a cité donc « Al-Fitna » les épreuves qui arriveront à la fin des temps ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque vous verrez les gens ne respectant plus leurs engagements, وَخَفَّتْ أَمَانَتُهُمْ et que lorsqu'on leur confiera quelque chose, ils le gaspilleront. Et que les gens seront ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, a regroupé ses dons. C'est-à-dire en querelle permanente. En querelle permanente, en guerre permanente. Abdullah ibn Amr ibn al-As nous dit j'ai alors dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là donc si je suis vivant donc à ce moment-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ilzam baytak c'est-à-dire reste chez toi wa amlik lisanak et donc ne parle plus wa khudh bima ta'rif mets en application ce que tu connais donc comme obéissance et délaisse donc les interdits وعليك بأمر خاصة نفسك. C'est-à-dire, occupe-toi de toi-même et délaisse alors les gens. Car donc, c'est une période où la personne n'aura plus rien à espérer donc des gens, et il risque au contraire d'avoir un mauvais impact sur la personne qui sera avec ces gens-là. C'est pour ça que Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, il dit que si la personne pense que le conseil n'est pas profitable pour une personne, il ne lui est pas obligatoire de le conseiller. Donc la personne en général, surtout lorsque la personne on la connaît, il y a certaines personnes qui on se rend compte que le conseil n'est plus d'aucune utilité avec certaines personnes. À ce moment-là, il n'est plus obligatoire de la conseiller. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَذَكِّرْ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ ذِكْرَ, c'est-à-dire rappelle si le rappel est bénéfique. Rappelle si le rappel est bénéfique. Qala ta'ala وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ, c'est-à-dire fais un rappel en utilisant les versets du Coran à ceux qui craignent donc ma sentence. وَلَا بُدَّ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ بَعْضِ الْخِصَالِ يَتَحَلَّ بِهَا أَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يعني يغير المنكر. الأمر الأول يعني العلم, العلم بما يأمر به, العلم بما يأمر به وبما يعني ينهى عن المنكر. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه, من عبد الله على غير علم أفسد أكثر مما يصلح. من عبد الله من غير يعني بدون علم أفسد أكثر مما يصلح. وكذلك الرفق, لا بد للإنسان أن يكون رفيقا في دعوته. قال تعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لا بد للإنسان أن يكون رفيقا في دعوته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق عن شيء إلا شانه, والحديث عند مسلم. فلا بد من الرفق. وكذلك لا بد من الصبر, لا بد من الصبر. قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يصيبه أذى, لابد أن يصيبه أذى. واختلف العلماء في هل يجب على الإنسان أن يعمل بما يأمر به أو ليس هذا شرطا. ويعني الله تعالى أعلم ليس شرطا, ليس شرطا أن يكون الإنسان عاملا بما يأمر به, ولكن هو أدعى لقبول دعوته. فإن كان الإنسان يعني يعمل بما يأمر به كان ذلك يعني أحظى لقبول دعوته. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولكن ليس شرطا, ولكن هو من الخصال الكمالية. Donc également il y a certaines conditions pour la personne donc qui veut appeler Allah subhanahu wa ta'ala, également réprimander le blâmable, ordonner le convenable. Donc il faut quand même que la personne ait de la science. Ce n'est pas n'importe qui peut se charger de cela. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ عَلَى بَصِيرَةٍ عَلَى عِلْمٍ وَيَقِينٍ. Allah il dit قُلْ يَا مُحَمَّدْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. C'est-à-dire cela est mon chemin, j'appelle à Allah subhanahu wa ta'ala à la basiratin, c'est-à-dire avec certitude, avec science, moi et mes et ceux qui m'ont suivi. Et Omar ibn Abdelaziz rahimahullah disait: celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala sans science, afsada akthara mimma yuslih, c'est-à-dire il détruit plus qu'il ne construit, c'est-à-dire il détériore plus qu'il n'améliore les choses. La deuxième condition, rifq, la douceur. Donc lorsque la personne appelle une personne ou bien le réprimande lorsqu'il a commis un péché, il faut lui dire cela avec douceur. Il ne faut pas lui parler avec violence. Allah, lorsqu'il a envoyé Moussa et Haroun à Pharaon, alors que Pharaon, je pense qu'il n'y a personne qui a atteint son degré de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, Allah a ordonné Moussa et Haroun de dire, de lui parler gentiment. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Dites-lui une parole douce, لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ. Peut-être qu'il se rappellera ou bien qu'il craindra Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la douceur, lorsqu'elle est mise dans n'importe quelle chose, elle l'embellit. مَا جُعِلَا الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَا. Et lorsque la douceur est retirée d'une chose, elle l'enlaidit. وَمَا نُزِعَا الرِّفْقُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ. Le hadith, il est dans Sahih Muslim. Également, la patience. La patience du fait que Luqman, alayhi salam, dans surat Luqman, il dit à son fils: Ya bunayya aqimis salah. Ô mon fils, accomplis la prière. Wa'mur bil ma'ruf. Ordonne le convenable. Wanha anil munkar. Interdit le blâmable. Wasbir ala ma asabak. Et patiente donc sur ce qui va t'atteindre. Donc à cause de cela, à cause de le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et il y a une autre condition. Donc les savants ont divergé sur une condition, c'est le fait de mettre en application la chose à laquelle on appelle. Le mettre en application, la chose à laquelle on appelle. Certains ont dit que c'est une obligation, du fait qu'ils sont basés sur les versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Vous ordonnez aux gens d'être bons et vous vous oubliez vous-même alors que vous lisez le livre. Mais donc la plupart des savants disent que ce n'est pas une obligation, mais c'est toujours mieux. Si la personne met en application ce à quoi elle appelle, son appel a plus de chances d'être accepté. Car si la personne appelle à quelque chose qu'elle ne met pas en application, la personne qui est conseillée peut lui dire: pourquoi me demandes-tu de faire telle ou telle chose alors que toi-même tu ne l'appliques pas. Yaqulu nakhtimu bi كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين يقول: درجة إنكار المنكر أربع. درجة إنكار المنكر أربع. الدرجة الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ضد الذي هو المعروف. الدرجة الثانية أن يقل المنكر و لا يزول بالكلية، يعني لا يزول بالكلية ولكن يقل. الدرجة الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، منكر آخر ولكن مثله. والدرجة الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه، أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجة الأولى والثانية مشروعتان، وهو أن يزول ويخلفه ضده، أو أن يقل ولا يزول بالكلية. والرابعة محرمة، أن يخلفه ما هو شر منه. والثالثة يعني محل اجتهاد بين العلماء، يعني أن يخلفه ما هو مثله. وإذن إذا يعني رأى الإنسان منكرا ولكن يغلب على ظنه أن هذا المنكر إن زال سيخلفه منكر أعظم، لا يجوز له أن يغير هذا المنكر، لا يجوز له أن يغير هذا المنكر. مفهوم؟ donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a un livre qui s'appelle I'lamu al-Muwaqqi'in. Il dit dans ce livre que le fait de corriger le blâmable, il y a 4 degrés à cela. Il y a 4 sortes de situations. La première situation est que donc ce blâmable disparaisse et qu'il soit remplacé par son opposé, c'est-à-dire une chose convenable. La deuxième situation, que le blâmable diminue, mais qu'il reste présent, mais donc en ayant diminué. Le troisième cas est que donc il soit remplacé par une autre chose blâmable, semblable. C'est-à-dire remplacé par une autre chose blâmable. Et la quatrième, qu'il soit remplacé par une chose blâmable pire encore que le premier. Donc le premier cas et le second, c'est ceux dans lesquels le musulman il doit faire ses efforts. C'est-à-dire afin que donc soit le blâmable disparaisse ou bien qu'il diminue. Le quatrième, c'est interdit. Si la personne elle veut faire elle veut donc réprimander le blâmable, mais qu'ensuite vient s'installer une chose blâmable pire encore, il lui est interdit de corriger cette chose-là. Et le troisième, donc, c'est les savants divergent à son sujet. Donc, si il est remplacé par une chose semblable. ونكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.